tout de suite, eh bien, vous avez rendez-vous avec Nicolas Martin et toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu, Garrigou Lagrange, et aujourd'hui direction les étoiles. Carl Sagan est fondé à dire que nous sommes faits de poussière, d'étoiles, c'est-à-dire que les atomes qui nous constituent ont été créés dans les processus de fusion nucléaire au cœur des étoiles, il serait plus précis de dire que nous sommes des poussières de supernovae, puisque c'est lors de l'explosion des étoiles que se constituent les éléments les plus lourds qui ensemencent l'espace alentour en créant de multiples réactions en chaîne. Que sait-on aujourd'hui des supernovae, du cycle de vie des étoiles et de ce qui va nous arriver après l'explosion imminente de Bételgeuse, située à seulement 700 années-lumière de nous? Supernovae, la fabrique des éléments, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans La Méthode Scientifique. Et pour évoquer ces immenses feux d'artifice cosmologiques sans lesquels le tableau de Mendeleïev serait bien vide, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Prantsos. Bonjour. Bonjour, et merci pour l'invitation. Eh bien, merci d'avoir accepté d'être avec nous, astrophysicien, directeur de recherche CNRS et chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Bienvenue et bonjour Michel Denfeld. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Université Pierre et Marie Curie et chercheur astronome également à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter @laméthodefc. Je vous conseille d'aller y jeter un œil parce qu'on va poster un certain nombre de photos très spectaculaires de ces supernovae tout au long de cette heure. Mais pour commencer, il faut peut-être rappeler que raconter l'histoire des supernovae, c'est en quelque sorte raconter l'histoire de l'astrophysique ou en tout cas de l'observation du ciel, puisque depuis que les humains observent le ciel peu ou prou, eh bien ils observent des supernovae. Nicolas Prantsos. Oui, on en a pas mal de récits d'explosions stellaires, mais il est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'est. On voyait apparaître à un endroit du ciel, là où avant il n'y avait rien, un éclat qui durait quelques heures, quelques semaines, et après ça disparaissait. Et pour beaucoup, c'était un présage de mort, un présage de mauvaise fortune. On a des rapports de la cour chinoise, où là, les astrologues du roi rapporter ce genre d'apparition. Et plus près de chez nous, en Europe, on a des récits qui datent de 15e ou 16e siècle. C'était la dernière supernova qui était vue à l'œil nu. C'était vue par Kepler, un grand astronome. Et avant lui, c'était Tycho Brahe, son maître. Et ces apparitions signifiaient pour ces astronomes-là l'apparition d'une nouvelle étoile, donc nova en latin, d'où le nom. Maintenant, on sait que ce n'est pas une nouvelle étoile, c'est plutôt l'inverse. Ça signifie la mort d'une étoile. Et il y a deux classes de types de ces étoiles. Bon, attendez, je vous arrête un petit peu. On va prendre le temps de raconter tout ça. J'aimerais vous donner la parole à Michel Denfeld. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, il y a évidemment les planètes, les étoiles qui sont cartographiées, mais effectivement, au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, des différentes civilisations, Nicolas Prantsos l'a dit, hein, il y a la cour impériale chinoise qui était particulièrement attentive au ciel. On peut pointer un certain nombre de supernovae qui ont été observées comme ça et qui vont par ailleurs ensuite aujourd'hui nous donner avec le recul un peu une histoire d'un univers proche. Oui, tout à fait. Les chroniques chinoises sont les plus anciennes que nous ayons, et dans celle-ci, la première observation qui est confirmée par les observations actuelles, c'est l'étoile nouvelle de l'année 185, donc à l'époque des Han. Et cette étoile est apparue dans la constellation du Centaure, donc assez bas sur l'horizon sud. C'est ce qui explique qu'elle n'ait pas pu être observée dans l'hémisphère nord. Et elle a été visible à l'œil nu pendant 20 mois à peu près. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà à cette époque-là, tout le monde pensait que le ciel était immuable. Et donc, les phénomènes transitoires comme les comètes ou les étoiles nouvelles, puisqu'on parlait d'étoiles visiteuses, par exemple l'étoile de 185, c'est une étoile haute qui a visité la constellation du Centaure. C'était interprété par les prêtres divers, et selon le cas, si l'interprétation était bonne, l'astronome était promu. Si l'interprétation était mauvaise, on lui coupait la tête. Aujourd'hui, le métier est moins dangereux, même s'il est peut-être moins bien payé qu'il ne l'était à l'époque. Donc, 185, la première. Et il y a plusieurs descriptions qui sont sûres aujourd'hui. 1006, qui était la plus brillante qui ait jamais été observée. Une en 369 aussi, je crois qu'il y en a 8 en tout. Oui, alors, 369, c'est un peu plus incertain parce que la précision des chroniques chinoises n'est pas suffisante pour pointer exactement l'endroit du ciel. C'est en gros dans telle région. Dans telle zone. Et donc, ce qu'on cherche aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les restes de supernova, c'est-à-dire le gaz qui a été éjecté par l'étoile lors de l'explosion et qui permet aujourd'hui de retrouver la position de certaines des explosions anciennes. Ce qu'on appelle les rémanents. Les restes de supernovae. Voilà. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est la nébuleuse du crabe qui a été observée en tant que supernova par les Chinois en 1054 et dont on a retrouvé la nébuleuse au début du XXe siècle lorsqu'on a cartographié systématiquement le ciel. Cette supernova qui donne lieu et qui donne naissance à la nébuleuse du crabe, le 4 juillet 1054, elle est observée en Chine, elle est observée en Europe aussi. C'est peut-être une sorte de point de référence dans l'histoire de l'astrophysique, Nicolas Prantsos. Oui, parce que... Mais... Pour dire que c'est un point de référence, il a fallu attendre quand même encore quelques siècles, parce que c'est à ce moment-là que ces changements, ce basculement d'un univers immuable à l'image d'un univers qui un ciel, pardon, immuable d'un ciel qui changeait, ça se développait vers le 16e siècle. Il a fallu attendre Kepler Kepler et Galilée avec ses observations des taches du Soleil, des satellites de Jupiter qui tournaient autour de Jupiter. Donc il n'y avait pas la Terre au centre du monde, il y avait d'autres objets autour desquels tournait autre chose, et surtout ces supernovées découvertes qui montraient que le ciel changeait, il bougeait. Pour les comètes, c'était un peu différent. Michel a mentionné les comètes, mais Aristote, par exemple, bon, ça pourrait rentrer dans le cas d'un univers immuable. Aristote pensait que ça vient des choses qui sortaient des volcans et qui retombaient sur Terre. Les comètes. Donc, il pourrait l'expliquer un peu comme ça. Mais des choses qui restaient aussi longtemps, aussi brillant, et manifestement c'était loin, donc c'était très difficile de rentrer dans l'image aristotélicienne. Ça fait exploser l'image d'un système univers immobile. Est-ce qu'effectivement la bascule se fait, hein, vous l'avez dit, au XVIe siècle, avec 16e, 17e, avec deux observations assez rapprochées dans le temps, 1572, Tycho Brahe, et 1604, Kepler. Ouais. Ouais. Et qui toutes deux, d'ailleurs, sont d'un type dont on parlera tout à l'heure, un type 1A. Ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie les galaxies voisines, on peut avoir une idée à peu près de la fréquence qu'on attend, le nombre de supernovae en fonction de la masse de la galaxie. Et donc, on s'attendrait dans notre galaxie, qui a une masse de 10 milliards de fois la masse du Soleil, on s'attendrait à au moins une supernova tous les 100 ans. Or, depuis 1604, on n'en a plus observé à l'œil nu. Alors, il y a quelques indications de deux objets plus récents que ça, dont on a détecté les restes, après coup. Mais la question se pose, pourquoi ne les a-t-on pas vus à l'œil nu? Ce qui montre tout simplement que tous les objets ne sont pas de même luminosité et que il y a une très grande diversité dans la physique de ces objets. Donc les deux dont on les deux dernières dont on a trouvé les restes de la Terre, sont celles qu'on vient de citer. Oui, Tycho Brahe et Kepler. Mais il y en a une autre. On parle des supernovae de la Voie lactée, hein, dans notre galaxie, dans parce notre qu'on galaxie. En a vu bien d'autres depuis. On a pu en observer avec l'astronomie moderne. Nicolas Prantsos, vous voulez réagir? Oui, il y a encore une chose, c'est la brillance intrinsèque, mais c'est aussi le fait que beaucoup de supernovae, s'ils explosent dans la Voie lactée, ils explosent dans le plan de la Voie lactée, où se trouve le Soleil. Et là, il y a l'absorption du gaz et des poussières qui nous empêche de le voir. Celle de Kepler et de Tycho Brahe étaient à des latitudes élevées, donc loin du plan, et on a pu les observer. On n'a pas eu cette chance depuis 4 siècles, ouais. Comme Michel vient de le dire. Ceci dit, la supernova dans Cassiopée, elle n'est pas dans le plan galactique. Voilà. Celle-là, et pourtant, elle n'a pas été observée. Donc, c'est un exemple dont on a une confirmation grâce à celle du grand nuage de Magellan en 1987, qu'il existe des supernovae qui sont intrinsèquement moins lumineuses que d'autres. Et c'est pour ça que celle de Cassiopée, vers 1680, voilà, n'a pas été vue à l'œil nu. Moi, j'ai cherché un peu dans les cahiers d'observation de Cassini, dans l'Observatoire de Paris, qui avait été nouvellement fondé en 1667. Et il n'y a absolument aucune mention dans ces cahiers d'observation. Pourtant, Cassiopée, là, c'est au-dessus de la tête toute l'année. Et il n'y a pas de mention. Pourtant, son fils, dans un de ses livres, Jacques Cassini, dit « Mon père a observé plusieurs étoiles nouvelles dans la Cassiopée ». Alors, c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement que la cartographie du ciel à cette époque n'était pas encore précise et on découvrait, au fur et à mesure on observait, des étoiles fixes et stables qui n'étaient pas encore répertoriées. Donc c'est probablement ça que ça veut dire, pas une supernova visible à l'œil nu. Au sens contemporain du terme. À partir de quel moment commençons à postuler qu'il ne s'agit pas d'étoiles passantes, d'étoiles visiteuses ou de nouvelles étoiles, au sens là aussi étymologique, mais à l'inverse d'étoiles qui meurent, Michel Denfeld? Ça date à peu près de la même époque, parce que Maraldi, dans les années 1660, a par exemple observé une étoile qui est le prototype d'un certain type d'étoile pulsante qui s'appelle Miracetti. Donc on commençait à voir qu'il y avait certaines étoiles qui pulsaient, donc la magnitude, la brillance augmentait, diminuait d'un facteur 2 ou 3. Donc on savait déjà que effectivement dans le cours de la vie des étoiles, il y avait des phases où la brillance changeait. Par contre, trouver que c'était vraiment une explosion, ça date du début du XXe siècle. Je crois que la dernière où on a commencé à comprendre ça, c'est dans la galaxie voisine d'Andromède, S Andromède, en 1885, où on a vu là vraiment une étoile super brillante, mais on ne connaissait pas encore la distance d'Andromède, donc on n'a pas pu déduire immédiatement qu'il s'agissait d'une super explosion, on pensait simplement que c'était une autre étoile variable qui avait un phénomène de pulsation. Il faut citer, pour avancer un peu dans l'histoire justement de la compréhension de ces phénomènes cosmologiques, il faut citer deux noms importants au milieu du XXe siècle, Walter Baade et Fritz Zwicky, qui ont en fait donné leur acception contemporaine, Nicolas Prantsos, aux supernovae. Absolument, c'est deux astronomes observateurs qui ont observé aux États-Unis. Zwicky était d'origine suisse. Et il travaillait aux États-Unis, et était d'origine allemande. Et ils ont fait le premier effort d'observation systématique. Tous les deux, ils ont observé des centaines de supernovae. Zwicky était plus que ça, quand même. Il était un astronome génial. Il a eu même des idées concernant le sort des étoiles. Qu'est-ce que ça voulait dire, une supernova? Comment c'est une étoile qui explose? Comment elle explose? C'était à l'époque où on venait de découvrir le neutron. Le neutron, c'est une particule élémentaire. Et tout de suite, Lev Landau en Union soviétique et Fritz Zwicky aux États-Unis en 1932 ont développé l'idée d'une étoile à neutrons, une étoile composée uniquement de neutrons, très compacte, très dense. Et Zwicky a eu même l'idée d'aller un pas au-delà, de dire que l'étoile à neutrons, ce qui reste de l'effondrement d'une étoile, est à la place d'une étoile qui explose, une supernova. Il a même fait encore un pas, il a proposé que c'est lors des explosions des rayons cosmiques, c'est des particules de très haute énergie qu'on voit qui arrivent sur Terre, et donc on ignorait l'origine à cette époque-là. Les rayons cosmiques sont accélérés justement par l'énergie dégagée lors de ces explosions-là. Donc tout ça, à l'époque, dans les années 30, c'était des intuitions qui ne pouvaient être basées sur rien du tout. Mais petit à petit, cette image s'est imposée. C'était effectivement une pensée Zwicky était très précurseur, dans sa façon d'envisager les étoiles, la mécanique, la nucléosynthèse. Enfin, il a vraiment pointé le doigt et petit à petit, ses prévisions se sont avérées vrai, correct. Tout à fait, mais il faut souligner une chose, c'est que comme souvent en astrophysique, qui est une science observationnelle, c'est la mise en service de nouveaux instruments qui a permis des progrès décisifs. Et en l'occurrence, à cette époque-là, c'est l'utilisation des spectrographes derrière les télescopes. C'est-à-dire qui permet de disperser la lumière en ses différentes composantes et de repérer les éléments caractéristiques. Sans la spectroscopie, ça aurait été beaucoup plus difficile de comprendre ce qui se passait dans les étoiles. Et c'est d'ailleurs de là que date à ce moment-là la classification entre type 1 et type 2, parce qu'on prend des spectres. Dans certaines, on voit des raies d'émission de l'hydrogène, ce sont les types 2 à l'époque. et dans d'autres on les voit pas, ce sont les types 1. Depuis, la nomenclature s'est un peu diversifiée, c'est un peu mais c'est là-bas le point également. De départ, le point de départ, la spectroscopie de ces objets. Avant d'évoquer précisément la mécanique de ces supernovae, ces différents types, peut-être qu'il faut revenir aussi un instant sur ce que je disais en citant ces mots célèbres de Carl Sagan, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Réexpliquer peut-être quelque chose d'important, Michel Denfeld et Nicolas Pranzo, sur la nucléosynthèse, puisque je le disais, sans étoiles, eh bien finalement l'univers serait, le tableau de Mendeleïev serait bien vide, on aurait de l'hydrogène et de l'hélium. Mais ce qu'il faut préciser, ça va être important pour la suite, c'est que la nucléosynthèse dans les étoiles ne va que jusqu'au fer, Michel Denfeld. Oui, initialement, au début de l'univers, il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium. Et tout le reste est fabriqué à l'intérieur des étoiles. Mais comme vous le disiez, les étoiles, y compris les plus massives, fabriquent du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Et la série s'arrête au fer parce que le fer 56 est un élément extrêmement stable. C'est très difficile de fabriquer quelque chose au-delà. Donc pendant longtemps, les spécialistes comme Nicolas se posaient la question, mais comment fabrique-t-on les éléments plus lourds ? L'or, le plomb, oui. Et alors, Nicolas Pranzo, c'est... Oui, mais la réponse est donnée quand même déjà dans les années 50, donc on n'a pas inventé. Et la réponse, tiens, mais il faut revenir peut-être un peu en arrière, dire pourquoi les étoiles font ça dans leur cœur ? Parce qu'elles sont très chaudes. Et étant chaude à des températures très élevées, ça permet aux noyaux d'aller très vite. Et ça leur permet de surmonter leur répulsion électrostatique. Les noyaux sont des particules chargées électriquement, positivement. Et on sait très bien que des charges positives sont repoussées. Donc, pour remonter cette répulsion, il faut que ça aille très vite. Et ça se passe dans les cœurs des étoiles. Et on arrive ainsi à fabriquer par la fusion des éléments légers, comme l'hydrogène, par la suite l'hélium, etc., à arriver jusqu'au fer, comme on a dit tout à l'heure. Alors il s'avère que le fer est le noyau le plus stable de la nature. Il est impossible, si on essaye de lui faire fusionner d'autres particules pour aller à des noyaux plus lourds, il faudrait que ça bouge tellement vite que le noyau commence à se casser. On ne peut pas fabriquer, par des réactions thermonucléaires, comme on dit, des noyaux plus lourds que le fer. Mais la nature a trouvé un autre moyen, tout simplement... On capte, les noyaux captent des neutrons. Le neutron, c'est une particule neutre électriquement. Donc, il n'a pas à aller très vite pour surmonter cette barrière électrostatique, barrière coulombienne, comme on dit, du nom de Coulomb. Et il faut trouver donc des endroits dans la nature ou des phases d'évolution stellaire où il y a des neutrons qui sont libérés par les réactions nucléaires toujours. Et des phases comme ça, ils en existent. Pas seulement lors de l'explosion stellaire. Même dans les étoiles du type des petites étoiles comme le Soleil, quand ils arrivent à la phase avancée de la révolution, quand le Soleil deviendra des géantes rouges, dans ces couches externes, il y aura des captures de neutrons qui vont fabriquer un peu de carbone et un peu des éléments plus lourds que le fer. Mais en petite quantité. En revanche, dans les étoiles massives, il y a, lors de l'explosion, et on va voir tout à l'heure comment ça se passe l'explosion, il y a d'énormes quantités de neutrons qui se libèrent et qui fabriquent des noyaux très très lourds. On va jusqu'à l'or, jusqu'au même à l'uranium et l'étorium, qui sont les noyaux les plus lourds qui existent. Jusqu'aux 94 éléments créés naturellement du tableau de Mendeleïev. On peut peut-être compléter par une petite parenthèse. Bien sûr, Michel Denfeld. Parce qu'il n'y a pas que les supernovae qui produisent de ces éléments. Certaines phases d'évolution des étoiles, qu'on appelle la phase géante, AGB, branche des géantes, qui donnent des nébuleuses planétaires, qui sont bien connues des astronomes amateurs, parce qu'on peut observer de belles nébuleuses, et bien les nébuleuses planétaires rejettent une partie de leur enveloppe où a été fabriqué du carbone ou de l'azote, par exemple. Ce qui va se passer pour notre Soleil, par exemple. Dans quelques milliards d'années. 4,5, c'est ça ? Oui, c'est ça, quelque chose comme ça, oui. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h20, nous allons mettre un peu les mains dans le capot de la mécanique stellaire et comprendre ce qui se passe quand on arrive à court de carburant avec Nicolas Prantsos et Michel Denfeld. Nous parlons des supernovae, c'est-à-dire des mécanismes de mort des étoiles et l'explosion qui en résulte. Alors, vous l'avez dit, Michel Denfeld, Nicolas Prantsos, il y a deux types de supernovae. Alors, il y a deux classifications qui ne correspondent pas vraiment aux deux types de supernovae. On va commencer par parler simplement, si vous voulez bien, de la plus courante, c'est-à-dire celle que l'on appelle l'effondrement du cœur de l'étoile. Michel Denfeld, qu'est-ce qui se passe ? Il faut comprendre comment fonctionne une étoile. S'il n'y avait rien, pas de réaction à l'intérieur, l'étoile s'effondrerait sur elle-même du fait de la gravité. Mais à cause de l'énorme pression et de la température qui règne à l'intérieur des étoiles, des réactions nucléaires s'allument. Et la pression qui en résulte contrebalance la force de gravitation qui tendrait à faire s'effondrer l'étoile. Mais la réaction nucléaire ne peut fonctionner au centre que tant qu'il y a du carburant. Lorsque le carburant d'une certaine sorte, par exemple l'hydrogène, est épuisé, la réaction s'arrête et l'étoile commence à s'effondrer. La température et la pression augmentent et à ce moment-là, une nouvelle réaction nucléaire se met en place. Par exemple, la fusion de l'hélium qui arrête l'effondrement et on continue jusqu'à l'épuisement de l'hélium et ainsi de suite. Hydrogène, hélium, carbone, oxygène, silicium, jusqu'au fer, comme on l'a dit, le fer est stable et constitue le cœur, le cœur de l'étoile. Et alors, que se passe-t-il quand cette étoile arrive à court de carburant, Nicolas Frantzos? Oui, il faut d'abord dire que ça se passe dans les étoiles au-delà des 10 masses solaires. Toutes les étoiles ne vont pas jusqu'au fer. Le Soleil n'ira jamais jusqu'à ce niveau-là. Il va s'arrêter avant. Il va expulser son enveloppe pour devenir une nébuleuse planétaire, comme Michel vient de dire. Et ensuite, son cœur, qui sera composé de carbone oxygène, sera une naine blanche. Sera un cadavre stellaire qui va rester là pour l'éternité à refroidir. En revanche, les étoiles plus massives que le Soleil développent des températures beaucoup plus élevées dans leur cœur. Et ainsi, ils arrivent à aller jusqu'au fer. Le fer est l'élément le plus stable de la nature, comme on vient de le dire. Donc, des réactions nucléaires produisant de l'énergie ne peuvent plus arriver. Sans ressources énergétiques, les cœurs, c'est la gravitation qui gagne. Et ça enclenche un effondrement du cœur. C'est assez extraordinaire parce qu'à ce moment-là, il faut imaginer le cœur d'une étoile. La taille de l'étoile est énorme. C'est une supergéante rouge, un peu comme Bételgeuse, qu'on verra tout à l'heure. Mmh. Donc si on le plaçait au sein du système solaire, ça aurait englobé la Terre et il irait jusqu'à Jupiter. On est à 10 jusqu'à 40 masses solaires, c'est ça à peu près? Voilà, de 10 jusqu'à 40 masses solaires, une énorme supergéante rouge. Mais les cœurs dont on parle, ça fait la taille de la Lune. Et ces petits cœurs, dans une milliseconde, ça s'effondre pour former quelque chose qui est la taille de Paris, ce qu'on appelle une proto-étoile à neutrons. Donc une densité extraordinaire. Cet effondrement-là fait que les noyaux de fer se cassent, fusionnent un peu, et la densité est telle que les protons fusionnent avec les électrons autour, c'est les composants du noyau. Et leur charge électrique s'annule et ça fait des neutrons. Des neutrons. Donc c'est une proto-étoile à neutrons. Alors qu'est-ce qui se passe avec les couches? Parce qu'à l'extérieur, il y a des couches, maintenant différentes couches de l'étoile, mais ils commencent à s'effondrer aussi, avec une vitesse extraordinaire. Ça va presque à un quart de la vitesse de la lumière. Et ces couches-là, les couches internes plutôt, arrivent et s'écrasent sur la surface de l'étoile à neutrons, qui est extrêmement dense. Et ils rebondissent en arrière. Et ils commencent à remonter maintenant. Ils balayent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. C'est une onde de choc qui est créée. Cette onde de choc essaye de sortir de l'étoile. Est-ce qu'elle arrive ou pas? C'est ça la question. Et là, pour l'instant, la réponse n'est pas claire. On sait que ça doit arriver d'une manière ou une autre. Du moins dans certaines étoiles qu'on les voit exploser. Est-ce que ça arrive dans toutes les étoiles? Comment ça arrive exactement? Ça, c'est une situation de recherche actuelle. Il y a plusieurs groupes dans le monde qui travaillent pour voir ce mécanisme d'effondrement du cœur de fer, comment il fonctionne en réalité, avec des simulations numériques. Et Michel Delphine, une fois qu'il y a cet effet de rebond sur ce noyau extrêmement dense de proto-étoiles à neutrons, eh bien, d'un seul coup, il y a une libération d'énergie démesurée. Et surtout, une projection des particules, de la matière, à une vitesse relativiste. Oui, l'enveloppe est éjectée, fragmentée en morceaux, qu'on observe d'ailleurs. Quand vous regardez la nébuleuse du Crabe aujourd'hui, ou la nébuleuse de Cassiopée de 1680 qu'on n'a pas observée, on voit des filaments, souvent pur oxygène par exemple, ou pur azote, à des vitesses qui vont jusqu'à 20, 30, 40 000 km par seconde, qui sont le résultat de l'explosion et de l'éjection de l'atmosphère. Et c'est justement en analysant avec la spectroscopie la composition de ces filaments qu'on a vérifié les hypothèses de nucléosynthèse qui se passaient à l'intérieur des étoiles. On l'observe effectivement, des filaments de pur oxygène, par exemple, dans Cassiopée. Et est-ce qu'on peut quantifier, Nicolas Frantzos, le niveau d'énergie qui est libéré au cours d'une supernova, disons, de 10 masses solaires? Aujourd'hui, on sait le quantifier, ce niveau d'énergie-là? Oui, cette énergie-là, elle sort sous des formes différentes. Il y a d'abord ce qu'on voit avec nos télescopes, c'est-à-dire rayonnement électromagnétique. Et pendant quelques semaines, la supernova libère autant d'énergie qu'une petite galaxie, qui est 10 milliards de soleils. Si on place une supernova dans une galaxie voisinante, bah, elle va émettre autant de lumière. C'est une quantité extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est l'énergie qu'elle dégage sous forme d'énergie cinétique. C'est-à-dire l'enveloppe de l'étoile qui est projetée dans les milieux interstellaires emporte 100 fois plus d'énergie encore. Donc, et dans le cas des étoiles massives, même cette énergie-là n'est que 1/100 de l'énergie totale. Mm-hmm. Une petite fraction de l'énergie totale. L'énorme majorité de l'énergie qui vient de l'effondrement de l'étoile est dégagée sous forme de particules élémentaires qu'on appelle des neutrinos. On sait qu'il y a des neutrinos dans la nature. On les a détectés dans nos accélérateurs dans les années 50. On sait qu'il y a des neutrinos émis par le Soleil. Parce que à l'instant où on parle, chaque centimètre carré de notre corps est traversé par des milliards de neutrinos du Soleil. Bien sûr. Et je vais renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée aux neutrinos, où on explique bien tout ça, où on a un reportage dans un détecteur de neutrinos. Voilà. Et vous comprendrez tout ça. Mais dans les cas des étoiles massives, la quantité de neutrinos est vraiment faramineuse. Alors, jusqu'il y a une trentaine d'années, ça sortait simplement de nos modèles, de nos idées, de tout ce qu'on connaissait de la physique. Mais en 1987, il s'est passé un événement exceptionnel, quelque chose qu'il se passe une fois dans la vie d'un astronome. Nous, on a eu beaucoup de chance avec Michel d'être là. Moi, j'ai terminé ma thèse à cette époque-là, à l'Institut d'astrophysique. J'ai même un télescope à ce moment-là. Voilà. Rapprochez-vous un peu du micro, Michel Denfeld. Et donc, cette supernova, qu'est-ce qu'elle avait d'exceptionnel? Mais elle était proche. Elle était la première visible à l'ENI depuis 4 siècles, depuis le temps de Kepler. Et à cause de sa proximité, en raison de sa proximité, on a pu l'étudier dans toutes les longueurs d'onde et on a découvert plein de choses et surtout détecter pour la première fois des neutrinos. À ce moment-là, on a détecté une dizaine de neutrinos, pas plus. Mais compte tenu de la distance, c'est exceptionnel. Et parce qu'elle était à quelle distance, vous ne l'avez pas dit? 150 000 années-lumière. C'est la galaxie la plus proche de nous. Voilà, le grand nuage de Magellan. Et ce qui est assez exceptionnel aussi, quand on y pense, c'est que les nuages de Magellan, c'est une galaxie qui se trouve dans l'hémisphère sud. D'ailleurs, on l'appelle le nuage de Magellan parce que c'est Magellan qui est le premier Européen qui l'a vu lors du premier périple de la Terre. Mais bon, ça, on peut en discuter. Oui, ça fait partie de la légende. En tout cas, on l'appelle le nuage de Magellan. On peut en parler si on a le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que les détecteurs de neutrinos qui les ont détectés se trouvaient au Japon et aux États-Unis, dans l'hémisphère nord. Ce qui veut dire que les neutrinos de l'hémisphère sud sont venus par l'hémisphère sud, ont traversé la Terre et ils ont été détectés. Parce que les neutrinos ils peuvent pénétrer la Terre, ils peuvent pénétrer une couche de plomb de plusieurs années-lumière d'épaisseur et il y a une petite fraction qui interagit et qui est captée. Donc ils ont traversé la Terre, c'est des trillions de neutrinos et une petite fraction a été détectée, passée dans nos détecteurs. Et la quantité et l'énergie qu'ils avaient correspond exactement à ce qu'on avait pensé à l'époque. Donc ça a confirmer ces idées-là qu'on avait sur l'explosion des supernovae. Michel Denfeld, sur cette observation, puisque vous me disiez que vous étiez au télescope à cette époque-là, en 87. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un étudiant en thèse qui faisait des clichés des nuages de Magellan à l'observatoire de Las Campanas et qui a repéré, parce que, si vous voulez, la tradition, c'était que quand vous observez la nuit, il faut analyser ces clichés immédiatement. Et il a fait ce qu'on lui a dit, et c'est comme ça qu'on l'a vu à temps. Sinon, ça aurait pu traîner dans les tiroirs pendant 2 ou 3 jours avant qu'on le remarque. Et ça a donc déclenché la première observation plus ou moins coordonnée de tous les observatoires qui pouvaient participer. Et un phénomène identique s'est d'ailleurs reproduit là au mois d'août, on en reparlera. Le point important pour compléter ce que dit Nicolas, c'est qu'on s'attend donc à trouver des neutrinos de la part de toutes les supernovae qui proviennent de l'explosion d'étoiles massives. Et il y a une dizaine de supernovae par jour qui sont détectées, mais plus loin. Il y a actuellement des détecteurs de neutrinos qui sont en fonctionnement, en particulier Japon, il y a la collaboration franco-italienne, il y a les Japonais, mais il y a une collaboration franco-italienne dans la Méditerranée, Antares. Bien sûr. Et bon, ils n'ont pour l'instant pas détecté de neutrinos. Ça ne veut pas dire que les supernovae ne les émettent pas, mais le détecteur n'est pas encore assez sensible pour détecter les neutrinos qui viennent de plus loin que les nuages de Magellan. Donc on espère dans les prochaines années, avec l'augmentation de la sensibilité, qu'on trouvera d'autres exemples qui permettront de raffiner les mesures et les équations de nucléosynthèse. Ça, c'était pour faire un premier tour d'horizon des supernovae les plus courantes. Or, on sait depuis quelques années maintenant, Nicolas Prantsos, qu'il y a un autre type de supernovae qu'on appelle des supernovae de type thermonucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes principes. Pas du tout, vraiment, c'est très différent. Et autant dans le premier cas, c'était une étoile massive qui s'effondre. Dans le deuxième cas, c'est une petite étoile En fait, c'est le cadavre d'une petite étoile. C'est une naine blanche. Comme on l'a dit tout à l'heure, les petites étoiles comme le Soleil, jusqu'à quelquefois la masse du Soleil, à la fin de leur vie, laissent derrière une naine blanche. Alors, cette naine blanche, si elle se trouve toute seule, elle ne fait rien jusqu'à l'éternité. En revanche, si elle se trouve dans un système binaire, un couple d'étoiles, et la moitié au moins des étoiles se trouvent en couple, elles naissent en couple et elles évoluent, plus ou moins rapprochées en tout cas. Donc, si cette naine blanche se trouve dans un système binaire, il peut accréter de la matière, il peut absorber de la matière de son étoile compagnon. Et s'il absorbe assez de matière, il y a une limite qu'une naine blanche peut supporter. C'est ce qu'on appelle la limite de Chandrasekhar. C'est une limite théorique qui a été découverte à la fin des années 30 par un jeune astrophysicien indien, Subramanian Chandrasekhar, qui a eu le prix Nobel depuis pour tous ses travaux en 1982. Alors, si elle dépasse cette limite de Chandrasekhar, et elle s'effondre. Et on revient à une situation un peu analogue avant. Pas tout à fait analogue. Elle s'effondre, la gravité gagne, mais cette fois-ci, elle comprime, elle chauffe l'intérieur de l'étoile. Et maintenant, il y a des combustibles qui peuvent brûler. Ce n'est pas comme les cœurs de fer, où on avait éteint le niveau du fer et rien ne pouvait brûler nucléairement. Là, ça peut brûler nucléairement. Donc, tous ces combustibles, carbone, oxygène, etc., il y a une déflagration qui se produit en quelques secondes et ça laisse derrière rien du tout. Contrairement au cas précédent où il y a une étoile à neutrons qui reste derrière, ici, rien ne reste du tout. Et les réactions nucléaires se passent très rapidement, ce qu'on appelle une nucléosynthèse explosive, et à nouveau, on va jusqu'au niveau du fer. Et on sait maintenant, c'est quelque chose que les fondateurs de nucléosynthèse ne pouvaient pas imaginer dans les années 50, que c'est lors de ces réactions thermonucléaires que plus de la moitié du fer est produit dans l'univers. C'est-à-dire le fer qu'on voit autour de nous, ça ne vient pas. C'est pas le fer qui est le produit normal de la nucléosynthèse dans le cœur des étoiles massives. Ce fer-là est confisqué dans l'étoile à neutrons. Le fer qu'on voit, c'est le fer qui est produit lors des explosions. Michel Denfeld, d'ailleurs, je crois qu'on a retrouvé des isotopes du fer particuliers sur Terre et sur la Lune qui laissent penser que nous avons été arrosés par une « arrosée » entre guillemets, ensemencés, ce serait peut-être plus joli, par ce type de supernova thermonucléaire, il y a environ 2 à 3 millions d'années. Oui, c'est l'analyse des météorites qui permet de le dire. Mais on n'a pas d'évidence observationnelle directe qu'il y a eu effectivement une explosion de supernova dans le voisinage solaire. C'est une hypothèse qu'on fait pour expliquer ces anomalies isotopiques. Parce que justement, on y viendra peut-être, la question de s'il y a des prochaines possibilités d'explosion de supernova. Les étoiles massives, plus que 10 masses solaires, on les connaît, il n'y en a pas vraiment dans le voisinage solaire qui vont exploser immédiatement. Par contre, il se peut très bien qu'il y ait des naines blanches ou des étoiles à neutrons qui traînent sans qu'on les détecte et qui pourraient donner une explosion de ce type-là. De type thermonucléaire. Alors, on peut rajouter aussi que le phénomène cataclysmique dont parlait Nicolas, qui donne donc les supernovae de type 1A et qui va jusqu'à l'effondrement complet de l'étoile à neutrons. De la naine blanche. De la naine blanche. Il peut y avoir un phénomène intermédiaire qui donne ce qu'on appelle justement une nova, où la réaction nucléaire se passe non pas dans le cœur, mais dans la couche. À l'extérieur. C'est la couche de matière qui a été accrétée de l'étoile partenaire. C'est un phénomène. Bon. Vous dépassez la masse de Chandrasekhar, 1,4 fois la masse solaire. Il y a une réaction nucléaire qui s'est faite, mais peut-être simplement dans la couche extérieure. Et quand le combustible est épuisé, ça s'arrête. Mais l'étoile continue à accréter du combustible de son compagnon. Et puis, quelques centaines d'années plus tard, le phénomène recommence. Et c'est ce qu'on appelle une nova récurrente. C'est ça, une nova récurrente qui se produit de manière vraisemblablement plus fréquente dans notre système solaire en tout cas. Pas dans notre système. Pas dans notre système solaire. Alors à l'extérieur, dans notre galaxie. Vous me laissez dire n'importe quoi. Non, pas du tout. Vous faites bien de me corriger. Dans notre galaxie. Est-ce qu'on comprend les mécanismes qui différencient précisément les novae des supernovae thermonucléaires? Pourquoi est-ce que dans certains cas on passe en supernovae thermonucléaire et tout, il y a cette déflagration qui ne laisse rien, comme vous le dites, ou au contraire, à d'autres moments, on dépasse pourtant la limite de Chandrasekhar? Selon nos idées théoriques, c'est des idées des théoriciens, parce qu'on ne peut pas le vérifier de manière observationnelle, ça dépend du taux d'accrétion, de quelle quantité de matière est accrétée par unité de temps de l'étoile compagnon sur la naine blanche. Pour de faibles taux d'accrétion, quand ça se passe petit à petit, On peut avoir une accumulation, mais pour un taux d'accrétion plus élevé, on peut avoir l'explosion d'une couche superficielle. Et donc, dans ce cas-là, ça ne permet pas d'accréter encore plus de matière. Donc, c'est une histoire de la quantité de matière accrétée. Et ça dépend de la disposition du système, de la distance des étoiles, etc. La méthode scientifique, Nicolas Martin. The promised land, and in this new walk, there's no asking the man. You see, we had a talk about birds and bees and plants, but then he spooked me off with the tails of his hand. Then he said, wisdom without a thought. They speak of your footsteps showing up on the wrong side of the track, and that's just bad. They sing, don't step on the wrong side of the track, and don't fall when you tread back. No, don't step on the wrong side of the track, and don't fall when you tread back. Big Bright Star des Super Preachers, une grande étoile lumineuse, c'est tout du moins ce qu'on observe quand on regarde à l'œil nu ces supernovées, dont certaines sont si brillantes. Hein. L'un de nos invités, Nicolas Prandsos, le disait tout à l'heure, parfois aussi brillantes qu'une petite galaxie, à tel point qu'on pouvait même les observer dans le ciel de jour, tellement leur luminosité était forte. Donc nous parlons des supernovées tout au long de cette heure en compagnie, vous venez de l'entendre, de Nicolas Prandsos, qui est astrophysicien, directeur de recherche CNRS et chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris, et Michel Denfeld, enseignant à l'université Pierre et Marie Curie et chercheur astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors si l'on observe, hein, on l'a dit aujourd'hui, une centaine de supernovées par an, on remettra un peu le curseur de façon plus précise tout à l'heure, en moyenne des supernovées évidemment assez lointaines, les astrophysiciens sont également en mesure aujourd'hui de prédire approximativement, en tout cas à quel moment une étoile est sur le point d'exploser, et c'est le cas d'une étoile très brillante, d'une étoile pourquoi pas, dans notre ciel nocturne, une étoile que les astronomes amateurs connaissent bien, elle se situe à la constellation d'Orion, c'est Bételgeuse. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé mettre l'œil dans la lunette. Oui, avec Pierre Kervella qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Pour faire un rapide portrait de Bételgeuse, il s'agit d'une étoile supergéante rouge qui est située à environ 700 années-lumière de la Terre et qui devrait exploser en supernova d'ici 10 000 à 100 000 ans. C'est une fourchette qui ressemble un peu à une fourche, mais à l'échelle de l'âge de l'univers, c'est pas grand-chose. Non, tout à fait. Donc l'avantage de Bételgeuse, c'est que même si elle est loin, on peut l'observer relativement facilement. Pierre Kervella et son équipe essaient de comprendre comment Bételgeuse perd de sa matière, mais aussi de discerner les signes qui annonceront sa future explosion en supernova. Bételgeuse est intéressante pour beaucoup de raisons du point de vue astrophysique. On s'intéresse en particulier à la manière dont l'étoile perd de la matière, parce qu'on sait que Bételgeuse expulse de la matière en permanence, et elle le fait d'une manière qu'on ne comprend pas très très bien. On ne comprend pas notamment comment la matière arrive à sortir de la surface de l'étoile, alors que c'est une étoile assez massive et qui devrait la retenir normalement. Voilà, donc on essaie de comprendre cet aspect-là. On essaye aussi de comprendre la manière dont cette matière qui est perdue par l'étoile se répartit dans l'espace autour d'elle. Avec quelles données vous travaillez, avec quels outils, télescopes éventuels, vous travaillez pour mesurer cette perte de matière ? On utilise une gamme assez variée d'instruments d'observation, des grands télescopes, notamment le télescope du Very Large Telescope qui est situé au Chili. Donc c'est un ensemble de télescopes de 8 mètres qu'on utilise à la fois de manière individuelle, c'est-à-dire un seul télescope qui regarde Bételgeuse, et également de manière conjointe dans un mode qu'on appelle interférométrique et qui permet d'atteindre une résolution angulaire, d'observer des détails extrêmement fins à la surface de l'étoile. La perte de masse d'une étoile, ça influe sur sa durée de vie. Est-ce que, pour Bételgeuse, cette perte de masse est régulière ? Et si oui, est-ce que ça nous permet d'éventuellement prévoir sa fin ? Oui, en fait, la perte de masse de Bételgeuse intervient de manière un petit peu chaotique. Hein. C'est ce sur quoi on commence à avoir une bonne vision. L'étoile expulse de la matière sous forme de jets assez impressionnants, de grande taille. Et oui, l'étoile, quand elle perd de la matière, modifie son évolution et modifie notamment sa durée de vie. Une étoile qui perd beaucoup de matière va vivre plus longtemps qu'une étoile qui n'en perd pas. Ceci pour une raison, c'est que plus une étoile est massive, plus elle produit d'énergie et plus elle consomme de carburant nucléaire. Quand l'étoile diminue en masse, elle ralentit la fusion des éléments dans son cœur et donc elle peut rester plus longtemps sous la forme d'une étoile. Et donc du coup, pour ce qui est de la fin de vie de Bételgeuse, elle va exploser vraisemblablement en supernova. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur ce scénario qu'on a prévu pour la fin de Bételgeuse ? L'explosion de Bételgeuse, effectivement, se produira dans 10 000, 100 000 ans. On n'a pas une certitude sur la date exacte. On n'a pas une certitude pour une raison, c'est que la surface de l'étoile ne nous dit pas grand-chose, en fait, de ce qui se passe vraiment au cœur de l'étoile. Mais on sait tout de même que ça va arriver dans assez peu de temps. Et alors, le phénomène sera extrêmement spectaculaire pour les personnes qui auront la chance de le voir. Puisque déjà l'étoile va devenir extrêmement brillante, elle sera visible dans la journée sans aucune difficulté, plus brillante que beaucoup d'astres, plus brillante que la Lune. Et il y aura un certain nombre de phénomènes tout à fait remarquables qui se produiront. D'une part, on va assister à la formation d'un écho de lumière autour de l'étoile. Un écho de lumière, c'est simplement la lumière de la supernova, donc très brillante, qui se propage de l'étoile jusqu'à la poussière qui entoure l'étoile et qui ensuite se réfléchit vers nous. Mais entre le trajet direct de la lumière de l'étoile à nous et le trajet de la lumière qui passe par la réflexion dans l'enveloppe de poussière, il y a un retard. Et donc on voit comme une sorte de rond dans l'eau. Et ce phénomène sera extrêmement utile pour nous permettre de voir tout l'environnement de l'étoile. Ça va éclairer toute la poussière qui est autour d'elle, hein, qu'elle a perdue au cours des millénaires et des millions d'années précédents. Donc on aura un spectacle vraiment très très beau. Alors ce qui est particulièrement intéressant de bien comprendre dans le cadre de la future explosion de Bételgeuse en supernova, c'est comment la matière située autour de l'étoile va interagir avec l'explosion elle-même. C'est-à-dire que lorsque Bételgeuse va exploser, son cœur va s'effondrer, une onde de choc va se former au niveau du cœur de l'étoile. Pendant des dizaines de minutes, l'étoile ne va pas du tout changer. C'est-à-dire que l'explosion a déjà commencé, mais pendant des dizaines de minutes, l'étoile ne va pas du tout changer d'aspect, elle va rester comme elle est aujourd'hui. Et lorsque ce choc va sortir de la surface de l'étoile, c'est là que l'explosion va être visible, que la lumière va augmenter de manière très très forte. Ensuite, ce choc va se propager dans l'environnement de l'étoile et rencontrer petit à petit la matière perdue par Bételgeuse. Donc, si on comprend bien la manière dont cette matière se répartit, la densité, la composition de cette matière-là, on comprendra les courbes de lumière, on comprendra la luminosité des supernovées autres, celles qu'on ne peut pas voir aussi bien que Bételgeuse. Quelles sont les dernières observations que vous avez pu faire de Bételgeuse et qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, nous avons fait des observations à la fois avec le Very Large Telescope dans le domaine visible, ce qui nous a permis de voir que l'étoile perd de la matière d'une manière qui n'est pas homogène, qui n'est pas isotrope, c'est-à-dire que la matière est extraite de l'étoile selon des directions privilégiées. Elle perd de la matière, par exemple, sous la forme de jets qui se forment à sa surface de manière localisée et non pas d'une manière sphérique homogène. Donc ça, on a pu le voir à la fois dans le domaine visible et on a également observé l'étoile dans le domaine radio, en millimétrique, avec le grand interféromètre ALMA, qui est également situé au Chili. Et on a pu voir qu'à la surface de Bételgeuse se trouve une immense tache lumineuse, plus brillante que le reste de l'étoile. Cette tache fait deux fois la taille de l'orbite terrestre, ce qui est gigantesque comparé aux taches qu'on trouve sur le Soleil, par exemple. Et on pense que ce type de tâche est à l'origine de la perte de masse de Bételgeuse. On pense que du fait de la présence de ces tâches localisées, de ces irrégularités à la surface de l'étoile, on a l'énergie nécessaire pour éjecter la matière à l'extérieur de l'étoile, et donc qui se disperse ensuite dans le milieu environnant. Voilà le destin probable de Bételgeuse qui va certainement, d'ici 10, 20, 50, 100 000 ans, terminer en supernova. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Nicolas Prantsos, Michel Denfeld. Nicolas Prantsos. Ce que je voulais dire, c'est que oui, la durée, effectivement, c'est de cet ordre-là. Je veux dire, rien n'empêcherait, théoriquement, que ça explose demain. Simplement parce que on ne sait pas à quel stade de l'évolution il se trouve, cette étoile. Le plus probable, c'est qu'il se trouve au stade de la fusion de l'hélium. Et là, ça dure 200-300 000 ans. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est plus probable que ce soit de cet ordre-là. Mais il se peut très bien qu'il ait dépassé ce stade, qu'il y a la fusion du carbone. Ça dure 10 000 ans. Et les phases suivantes, fusion du néon, silicium, etc., ça dure quelques années, même quelques mois pour les toutes dernières. Donc il est impossible. Mais c'est le plus probable qu'il se trouve à la fusion de l'hélium. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais théoriquement, ça pourrait arriver demain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Michel Denfeld. Oui. Par ailleurs, ce n'est pas nécessairement le cas le plus imminent. On connaît par exemple dans l'hémisphère sud une étoile qui s'appelle Eta Carinae, qu'on a déjà vu pulser, augmenter de brillance de 2-3 magnitudes et retomber. La dernière fois, c'était il y a une vingtaine d'années. Et on sait par des observations dans d'autres galaxies ce qu'on appelle des imposteurs, des supernova impostors, qui simulent un début d'explosion, mais ça s'arrête et ça retombe. Ce sont les dernière pulsation avant probablement l'explosion finale. Donc, il peut y avoir d'autres objets de ce type-là dans notre galaxie. Mais ça se donnerait les supernovae qu'on dit de type 2. Là, on voit... C'est-à-dire par effondrement du cœur d'une étoile massive. Mais toutes les supernovae de type 1A qui sont par... fusion d'étoiles à neutrons. Par système double, hein, comme on l'expliquait tout à l'heure. Par système double, celle-là, la plupart d'entre elles, on ne les voit pas. Donc il peut très bien y en avoir des dizaines cachées quelque part dans la galaxie et qui vont exploser sans qu'on le sache. Peut-être un mot en quelques secondes, justement, hein, puisque c'est l'une des publications qui nous a conduit à faire cette émission aujourd'hui sur les supernovae. Sur cette supernova au comportement étrange, c'est une publication du 9 novembre dernier dans Nature. L'étoile s'appelle IPTF-14HLS, elle est à proximité de la Grande Ourse. Apparemment, elle a été observée depuis 2010, puis on a pensé que c'était une supernova qui s'est éteinte, puis rallumée, puis éteinte dans un cycle de 5 fois consécutives. Ça veut dire qu'on ne connaît pas encore toutes les formes de supernovae, qu'il y a des formes encore exotiques qu'il nous reste à découvrir, Nicolas Prantsos. Effectivement, dans ce cas précis, on n'a pas encore une explication théorique convaincante. On voit parfois des phénomènes même plus lumineux qu'une supernova typique, une supernova normale, je dirais. On essaye de l'interpréter de diverses manières. Il y a une manière de dire que, par exemple, c'est l'explosion a eu lieu, mais il y a une interaction de l'enveloppe, l'onde de choc a affecté un milieu environnant très dense et ça a fait encore plus ça produit encore plus de lumière. Il y a des phénomènes comme celui que Michel vient de mentionner. Des étoiles pulsantes, d'une certaine manière, c'est l'agonie de l'étoile, diverses phases de l'agonie de l'étoile avant l'explosion finale qui pourrait avoir lieu. Ces phénomènes-là sont assez rares pour être observés et vous savez, en astrophysique, si on a pu avoir une théorie de l'évolution stellaire aussi, je dirais, évoluée, aussi bonne, c'est parce qu'on a l'occasion d'observer des milliers d'étoiles. Mais si on a des cas très très rares, c'est difficile de fabriquer une théorie assez convaincante. Donc, c'est des phénomènes qui, pour l'instant, c'est à la marge de notre compréhension. Michel Denfeld. Mais c'est justement là où je pense qu'on peut s'attendre à des progrès significatifs dans les prochaines années. Bon, il faut mentionner, vous disiez le nom de cet objet, IPTF. PTF, c'est quoi ? Palomar Transit Factory. C'est un réseau de télescopes au Mont Palomar qui surveille le ciel en permanence et qui revient sur la même région du ciel toutes les 3 ou 4 nuits. Et il y a plusieurs systèmes de ce type-là. Il y en a un qui s'appelle Atlas à Hawaï. Il y a Assassin qui est en hémisphère sud pour Supernova Search. Et ça, c'est un phénomène nouveau depuis quelques années qui fait qu'on observe beaucoup plus de supernovae extragalactiques, c'est-à-dire pas dans notre galaxie, qu'avant. Et donc, des cas particuliers, on en trouve de plus en plus. Moi, je travaille dans une collaboration européenne qui a systématiquement 10 nuits d'observation tous les mois au télescope de 3,50 m au Chili. Et on a déjà catalogué un certain nombre de cas particuliers. Par exemple, tu mentionnais, Nicolas, des supernovae superlumineuses qui sont 100 à 1000 fois plus lumineuses qu'une supernova standard et dont on ne comprend pas encore le mécanisme interne. Donc c'est effectivement à force d'observer davantage d'objets qu'on finit par trouver les cas particuliers, extraordinaires, qui nous permettent de mieux comprendre la physique. Et ça explique, si vous voulez, pour revenir au cas des observations dans notre galaxie, où avant on observait 1, 2, 3 supernovas par an. C'était purement un phénomène de sélection observationnelle parce qu'on allait observer les grosses galaxies qui se trouvaient proches de nous, mais ce ne sont pas nécessairement ces galaxies qui forment le plus d'étoiles et donc qui forment le plus de supernovas. On se rend compte actuellement que la majorité des supernovae qu'on observe, en fait, se produisent dans des galaxies naines, petites, à faible métallicité, où il reste encore beaucoup de gaz, et ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de formations d'étoiles, et donc toute étoile qui se forme doit mourir un jour ou l'autre. Donc forcément, on se posait la question, on sait qu'il y a des milliards d'étoiles partout, et pourquoi est-ce qu'on voyait si peu de supernovae ? C'était purement un phénomène de sélection observationnelle. Parce qu'il faut peut-être aussi redire un mot, il nous reste peu de temps, mais tout de même sur la réaction en chaîne que déclenchent les supernovae, parce qu'on a parlé de la nucléosynthèse, de la synthèse des éléments lourds qui peuvent ensemencer l'espace, évidemment les planètes, mais c'est aussi suite aux supernovae que certains nuages de gaz se contractent et qu'on assiste à la création de nouvelles étoiles. La mort d'une étoile entraîne souvent la naissance de plusieurs autres à proximité, Nicolas Prantsos. Oui, mais ça, ça reste encore au niveau, c'est une théorie. On a quelques indices, mais en principe, oui. On sait que les étoiles se forment par effondrement des nuages de gaz. La question, c'est qu'est-ce qui provoque cet effondrement ? Est-ce que c'est la densité elle-même de gaz ? Est-ce que c'est le passage d'une onde spirale dans la galaxie, ce qui se cale dans la voie lactée ? Est-ce que c'est justement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les explosions des étoiles voisines qui compressent le gaz et induisent ça ? Probablement, tous ces facteurs jouent un rôle. Je veux dire, ce n'est pas uniquement l'un de ces facteurs-là. Mais oui, c'est quelque chose d'assez joli à imaginer que la mort d'une étoile, parfois, est importante pour engager la formation des nouvelles étoiles. Et puis, surtout, dans notre cas, le cas des planètes comme la Terre, c'est les éléments lourds, justement, des étoiles mortes qui engendre la vie à un moment, du moins ça se passait sur Terre. On ne sait pas si ça s'est produit ailleurs. D'une façon plus générale, je crois, tous les phénomènes de collision qui compriment le gaz contribuent à favoriser la formation d'étoiles. On a des exemples très clairs, de belles images, de galaxies en collision. Et à l'endroit de la collision des deux galaxies, c'est là où vous voyez la formation d'étoiles nouvelles, parce que le gaz a été comprimé. Donc... Peut-être dire un mot aussi, avant de donner quelques conseils à nos auditeurs astronomes amateurs, pour savoir où regarder dans le ciel pour observer. On voit par exemple que la supernova dont vous parliez tout à l'heure de 1996 est a priori toujours observable aujourd'hui au télescope amateur. Peut-être dire un mot de ce qui se passe, de ce qu'on appelle les hypernovae, c'est-à-dire quand les étoiles sont super massifs, sont des supergéantes. Est-ce qu'on connaît bien ce phénomène ? Est-ce qu'on connaît ce qui en résulte ? Est-ce qu'on a des observations de ce phénomène d'hypernovae, Nicolas Prantsos ? Les hypernovae sont, sur le plan observationnel, c'est des supernovae qui sont plus lumineuses que les autres. Mais comment ça se fait par rapport à l'image standard qu'on a présentée tout à l'heure ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Si l'étoile, par exemple, se trouve en rotation, au moment de l'effondrement, au lieu d'avoir un effondrement qui se passe avec la même intensité de tous les côtés, à une symétrie, comme on dit, radiale, l'effondrement se passe surtout dans les disques, un disque dans les plans de rotation. Et là, il y a pas mal de matière, l'explosion se passe de manière asymétrique. Et justement, parce qu'elle est asymétrique, ça dégage plus d'énergie dans certaines directions, ça crée plus de noyaux radioactifs qui alimentent par la suite, grâce à leur décroissance, la luminosité de l'étoile. C'est ce qu'on appelle les hypernovae. On a des modèles, si vous voulez, mais c'est très difficile de les calibrer pour l'instant. Mais il est clair qu'il y a une variété dans les explosions stellaires, y compris que ce soit pour les étoiles massives ou pour les étoiles supernovae thermonucléaires. Dans les deux cas, il y a assez de variétés dans le mécanisme de l'explosion. On a mentionné les deux fondamentaux, gravitationnel et thermonucléaire, mais là, on peut brocarder, faire oui. certaines variétés. Oui, surtout qu'il y a un autre paramètre qui se rajoute, et on le voit dans la classification des supernovae, c'est qu'au cours de sa vie, une étoile massive perd plus ou moins son enveloppe par ce qu'on appelle le vent stellaire. Et selon qu'elle ait perdu complètement son enveloppe d'hydrogène ou seulement une fraction de l'enveloppe d'hydrogène, le type de supernova que ça va donner est complètement différent. Quand on disait les types 2 sont celles où on voit l'hydrogène et les types 1, celles où on ne voit pas d'hydrogène, eh bien certaines des types 1 ne sont pas des supernovas de type thermonucléaire, mais simplement des étoiles massives qui avaient perdu complètement leur enveloppe d'hydrogène avant d'arriver au stade de l'explosion. Donc vous voyez, la classification zoologique, si je puis dire, du début, ne correspond pas exactement à la classification physique aujourd'hui. Et alors, pour finir, puisqu'il est 16h56, qu'il nous reste un peu plus d'une minute, aujourd'hui, vers où indiqueriez-vous à nos auditeurs qui ont la chance de pouvoir observer le ciel, de pointer leur télescope? Est-ce qu'il y a des hypernovae ou des rémanences, la nébuleuse du crabe bien sûr, mais des rémanents intéressants, qui sont particulièrement intéressants à observer aujourd'hui, Michel Denfeld? Bon, du côté des rémanents, oui, il y a certains objets qui sont intéressants à observer du point de vue esthétique. Il y a la dentelle du cygne, par exemple, il y a IC443, il y a Cassiopeia même. Mais je pense là où les amateurs pourraient avoir une contribution importante à l'évolution même des connaissances, c'est que actuellement, les surveys dont je vous parlais, tous ces télescopes qui scannent le ciel et qui détectent des dizaines de supernovae par jour, il y en a trop pour que les astronomes professionnels puissent les suivre tous. Les astronomes amateurs pourraient très bien contribuer en suivant les plus brillantes d'entre elles avec leur télescope pour établir ce qu'on appelle la courbe de lumière. On mesure sa brillance une nuit et on voit comment ça décroît au cours du temps. Ça, c'est une contribution extrêmement importante à la connaissance de la physique, parce que si on n'a pas pu faire le spectre de la supernova, à partir de sa courbe de lumière, on pourra, a posteriori, déterminer de quel type il s'agissait. Nicolas Brandsos, un conseil? Vers où pointer le télescope J'avoue qu'en tant que théoricien, je n'ai pas de conseils là-dessus. Simplement, je voudrais dire, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, qu'il ne faut pas avoir peur des supernovas. C'est une question qui vient souvent. Est-ce que les supernovas représentent un danger pour l'espèce humaine? Je dirais que oui, s'il y a une qui explose à côté, oui. Mais heureusement pour nous, elles sont tellement loin qu'à toute fin pratique, il ne faut pas, on peut dormir tranquille. On peut dormir tranquille, même Betelgeuse, si elle explose, ne risque pas de nous faire chauffer les oreilles. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Brandsos, merci Michel Denfeld d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de l'émission, tous les liens que nous avons postés, un certain nombre d'images magnifiques, de rémanents, de nébuleuses, sur notre fil Twitter @laméthodefc et sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Hugo Bartholomé, Avetienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Théo Gomard à la technique, Jean-François Souvilly au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture dans quelques instants. Le deuxième épisode de la série documentaire consacrée à Louis Pasteur. Aujourd'hui, comment un peintre prometteur devient bienfaiteur de l'humanité. C'est une série signée Olivier Chomel et Rafik Djenine. Tout à l'heure, à 18h20, après le journal de 18h, dans Le Grain à Moudre, Hervé Gardette demandera à ses invités si les villes saintes sont une malédiction politique. Pour ce qui nous concerne, demain, eh bien, nous brancherons le stéthoscope sur une prise USB pour parler de la médecine connectée. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.